Festival de cinéma de la Ville de Québec, Société de la Rivière-Saint-Charles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale. C'est votre magazine radiophonique consacré entièrement à l'univers des arts visuels à Québec. Nous sommes sur les ondes de CKRL 89.1 au studio en direct de Limoilou, de CKRL au coin de la 4e rue et de la 3e... Non. Quatrième, je pense, en tout cas. Je m'appelle Jean-Thierry de la France et je suis accompagnée de ma fidèle collaboratrice Myriam Leland qui rit parce que j'ai eu une grosse journée et je bégais. Les joies du direct, on n'aura jamais pu mieux dire que ça. Troisième avenue, quatrième rue. Nous y sommes. Et que j'aime ça, animer avec toi en live, Jean-Tiane. Donc, on se lance tout de suite, comme vous avez pu l'entendre, parce que vous êtes des fidèles auditeurs de CKRL, c'est sûr, vous l'avez déjà entendu en ondes depuis quelques jours, quelques semaines. On est en pleine période pré-radioton. Donc, CKRL, c'est la première radio communautaire de la francophonie et elle a été consacrée 6 fois radio communautaire de l'année aux rencontres de la disque. Donc, on continue d'offrir depuis 48 ans une voix locale, unique, rayonnant dans le Grand Québec, tout en poursuivant sa mission, notre mission, de participer au développement de la culture québécoise par une conception originale et dynamique de la radio FM. Aidez donc CKRL à demeurer un leader dans la découverte et la promotion de la relève musicale et de tous les arts, dont les arts visuels qu'on représente fièrement à l'aérospatiale. À poursuivre la diffusion de l'information locale et communautaire, ainsi qu'à offrir un espace de diffusion indépendant à la centaine d'artisans passionnés bénévoles. Donc, Jean-Tienne et moi sommes bénévoles. Si vous ne le saviez pas, on vous prépare tout ça avec de l'amour, avec la puissance de notre passion et de notre amour. Donc, en route vers notre événement radiophonique unique et annuel, le Radioton 2021, qui se tiendra les 28, 29 et 30 mai prochains. Nous sollicitons votre appui par un don pré-radioton ou encore en renouvelant votre carte de membre parce qu'on sait que vous êtes déjà tous membres, là, les gens qui nous écoutent à l'aérospatiale. Vous êtes fidèles, bien sûr. Donc, posez votre geste de soutien avant les tirages du vendredi 28 mai, 17h. Donc, pour le don pré-radioton, il s'agit de dons de 20$ et plus. Les 28, 29 et 30 mai prochains, les ondes du 89.1 CKRL seront animées d'une manière toute spéciale en offrant une programmation haute en couleurs et en son, animée par une panoplie d'invités. Le contenu du Radioton 2021 sera dévoilé lors de l'émission spéciale le jeudi 20 mai à 16h. Courez la chance de gagner le prix spécial Don Pré-Radioton. Donc, c'est un prix qui est offert par le Lopin de Terre, donc des paniers de légumes frais à chaque semaine pendant 16 semaines de juin à octobre d'une valeur de 400 $. Miam! Miam, certain! Et il y a aussi, bien sûr, la carte de membre qui est à 25 $. Donc, être membre de CKRL, c'est soutenir la plus ancienne radio communautaire francophone, mais aussi la relève artistique de tous les arts, arts visuels en parenthèse. Notez que votre carte est valide pour un an à la date d'adhésion. Courez la chance de gagner le prix spécial membre de CKRL qui est offert par la boutique Le Pédalier, soit un certificat de 150 $ avec l'été qui arrive. C'est un prix bienvenu. Puis, parlant du contenu du Radioton, justement, les 28, 29 et 30 mai, je, Myriam Leland, participerai le 30 mai prochain à une table ronde, justement, sur le milieu culturel en temps de pandémie, qu'on peut peut-être qualifier de presque post-pandémie. On garde l'espoir. On va parler de l'été. On va parler de l'été. On va parler de l'été. Donc, la culture pendant l'été. Donc, voilà, c'était notre petit topo pré-radioton pour CKRL, parce que c'est important. C'est ce qui nous permet justement de pouvoir vous offrir du contenu sur les arts visuels de la Ville de Québec à chaque semaine. Donc, de retour à notre programmation régulière. Gentille Anna France, qu'est-ce que tu nous as préparé ce soir pour l'émission? J'ai rencontré Geneviève Lebel, qui est une artiste qui a proposé un projet d'exposition au Monastère des Augustines de Québec. Ils ont un musée au Monastère des Augustines. Oui. Donc, cette exposition est présentée depuis le 22 mai. Ça se nomme La Chambre intérieure. Oh. Donc, l'artiste a travaillé en dialogue avec la commissaire d'exposition Catherine-Ève Gadoury, avec évidemment l'équipe du musée, mais aussi avec les Augustines elles-mêmes. Oh, oui. Et on va écouter cette entrevue. Là. Ça a été une entrevue de longue haleine. Là. Donc, on va l'écouter tout au long de l'émission, donc en partie, en trois parties. Et ça va être ponctué par des pièces du bureau de l'APA que toi, Myriam Leland, tu as sélectionnées. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette découverte qu'on va faire aujourd'hui avec le bureau de l'APA? Tout à fait. En fait, la petite histoire, c'est que jeudi, le 20 mai dernier, il y avait un événement de lancement dans le cadre du pop-up Moi Multi. Donc, c'était le lancement de La Majorité en majuscule, c'est important de le mentionner, qui est un projet justement du bureau de l'APA. Donc, je vous lis la petite citation qu'il y a sur le site web d'Avatar, parce que c'est une co-création avec Avatar, justement. Donc, avec La Majorité, on veut mettre des performances en son. Le bureau de l'APA veut faire des images avec des bruits, des mots et des voix, pour conter des peurs à la poésie. Ah oh. Oh oui, on aime ça, Gentiane, je sais à quel point t'aimes les petites citations de communiqués de presse, en plus! Ça résume bien les projets. Donc, en fait, c'est ça, en voyant ce projet-là, jeudi dernier, l'événement de lancement, en fait, c'était un gros lazy boy en cuir avec des caisses de son dans la boîte d'un pick-up qui se promenait dans le centre-ville de Québec et qui pouvait s'arrêter sur réservation pour diffuser les pièces, justement, que vous allez entendre ce soir. Donc, en voyant ce magnifique pick-up et les joyeuses personnes qui l'accompagnaient, je me suis dit, il faut absolument qu'on passe ça à l'émission. Donc, c'est ce qu'on vous passe ce soir. On vous parlera un peu plus de qu'est-ce que c'est La Majorité et qui sont le bureau de l'APA. Mais pour l'instant, on se laisse déjà avec une première piste qui s'intitule « Des têtes qui tombent ». Et au retour, on entend la première partie de cette entrevue que Gentiane a préparée à propos de l'exposition au monastère des Augustines. Des paupières lourdes. tombe, les cheveux qui tombent, les paupières lourdes, un poids qui tombe sur les épaules, les dessins qui tombent, les bras m'en tombent, ma bite molle, tomber à genoux. Un poids qui tombe sur les épaules, les seins qui tombent, les dessins qui tombent, les bras m'entombent, des têtes, des cheveux, des paupières, les épaules, les seins, les bras, ma bite, genoux qui tombe, qui tombe, qui tombe, ma bite, ta bite, ma bite, ta bite, ma bite, ma bite, ta bite, ma bite, ma bite molle, les ma bite molle, tomber à genoux, sur la cour, sur lequel, sur le cul, sur le ciel. Nous sommes de retour à l'aérospatial, Gentiane La France avec vous, et j'ai avec moi Geneviève Lebel. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Gentiane. Alors tu présentes l'exposition La Chambre de jour qui est actuellement, mais qui vient tout juste d'ouvrir là, au musée du monastère des Augustines de Québec dans le Vieux-Québec. Et puis c'est assez inusité, je pourrais dire, d'avoir des expositions comme ça en art actuel, en art contemporain au sein d'un musée qui est dédié à plus habituellement au patrimoine religieux. Mm-hmm. J'aimerais d'abord savoir comment c'est arrivé cette histoire-là, cette rencontre entre Geneviève Lebel, l'artiste, et puis les Augustines, les gens qui s'occupent du musée du monastère des Augustines de Québec. Oui. Bien, au départ du projet, à peu près vers le mois d'août l'année passée, donc il y avait un appel de dossier. Et puis, en fait, ça s'est vraiment passé comme un appel de dossier, je dirais, standard, dans le sens où on recherchait des artistes en art contemporain pour travailler sur le thème du Sacré-Cœur. Alors, le Sacré-Cœur, c'est vraiment un élément important des armoiries des Augustines. On le retrouve aussi partout dans la collection permanente. Et donc, ils souhaitaient, les artistes, là, d'avoir un angle d'attaque en lien avec ce thème-là. Puis, ça devait être suivi ensuite là, d'une sélection et d'une résidence. Donc, moi, j'ai été chanceuse. J'ai un ami qui avait ciblé cet appel de dossier-là, puis il m'a dit « Oh, wow, c'est vraiment sur mesure pour toi. » Donc, il me l'a cheminé. Et puis, par la suite, donc, moi, j'étais allée m'informer sur, en fond, la vocation du monastère. Puis là, de fil en aiguille, j'ai vu que maintenant, c'était un lieu d'hébergement qui permettait là, de s'y reposer, de se ressourcer. Puis j'aimais bien aussi l'idée que les chambres ressemblaient beaucoup, en fait, aux chambres des Augustines d'autrefois. Alors, ils ont gardé comme des chambres très modestement habitées par du mobilier très, très simple. Donc, c'est vraiment tout un caractère, je trouvais, vraiment évocateur. Et fait que tout de suite, l'idée de la chambre est arrivée très, très tôt là, dans mon esprit. Puis, c'est cet angle-là que j'ai voulu prendre pour présenter mon travail. Puis, donc, j'ai fait des liens avec l'idée de la chambre intérieure, en fait, qui est le titre de l'exposition. Puis, avec l'idée, éventuellement, là, de l'intériorité, puis d'aller jusqu'au cœur. Alors, en soumettant comme ça mon dossier, bien, il y a eu un jury, une sélection, puis il y avait environ peut-être une trentaine de dossiers, puis j'ai été sélectionnée dans les trois finalistes. Puis, ensuite, il y a eu bien sûr le jury, puis une présentation des maquettes. Alors, on avait déjà pu l'occasion là, de visiter plus les installations et de faire un petit tour de la collection permanente et... Suite à ça, on a pu représenter comme une proposition plus peaufinée. Et puis, disons que j'ai été sélectionnée par la suite, là, par le jury en place. Donc, c'est un jury qui s'implique un peu aussi dans le processus de création, si je comprends bien. C'était pas seulement un jury qui sélectionnait un dossier, puis on donne le go. Donc, il y avait comme un dialogue qui s'installe dès le processus de sélection. C'est intéressant, ça. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, donc, Catherine Ève, qui est la commissaire, était là dès le départ. Et puis, c'est sûr qu'elle, son rôle, c'est vraiment de s'assurer que le patrimoine des Augustines soit mis en valeur et puis que l'artiste sélectionné comprenne bien aussi, en fond, son rôle à travers l'exposition. Donc, oui, on veut que ce soit une exposition d'art contemporain, mais ça reste que on veut mettre à l'avant le patrimoine des Augustines par l'intermédiaire d'écho. Donc, c'est un peu ça, là, qui en fond, sur les thèmes sur lesquels on a échangé. Puis, de fil en aiguille, c'est ça, il trouvait que dans mes propositions, il y avait vraiment une compréhension là, du patrimoine. Et puis aussi que ce que je proposais, ben il voyait bien comment ça pouvait s'insérer aussi dans le lieu, puis comment ça pouvait faire écho aux objets permanents qui sont qui sont dans la collection permanente, qu'on retrouve un petit peu partout là, dans le monastère. Donc, il y a cette idée de Sacré-Cœur qui est un peu le point de départ qui était proposé par le monastère des Augustines de Québec. Et toi, Geneviève Lebel, tu es venue enrichir cette proposition, si on veut, avec cette idée de chambre qui t'est venue au sein du processus. Donc, la chambre intérieure, c'est le titre de ton exposition. On dit la chambre intérieure, mais en vérité, il y a deux chambres. Oui, tout à fait. Encore là, dans l'idée de la chambre, je me dis, ah, ça serait intéressant de traiter l'atmosphère un peu du jour, puis aussi avoir une portion plus qui évoque la nuit. Donc, j'ai vraiment scindé l'espace en deux pour avoir une atmosphère beaucoup plus calme en entrant, puis dans lequel on retrouve donc des objets, le bureau, tu sais, qui peuvent, comme une prolongation peut-être de la journée, le bureau sur lequel on s'assoit, on travaille, on écrit, les livres qui peuvent nous accompagner aussi dans la chambre, une chaise, donc qui peut évoquer aussi un certain repos. Donc l'entrée en matière est très, très calme, mais on retrouve encore beaucoup d'éléments là, de la vie quotidienne. Puis je voulais vraiment avoir une deuxième étape qui permettait de rentrer plus comme en profondeur, si on peut dire, dans l'intériorité, et d'avoir le lit, donc qui devient comme une sorte de portail qui se dresse à la verticale, puis qui permet une ouverture sur la nuit, en fait comme un ciel étoilé, constellé de Sacré-Cœur. Donc, dans une des toiles, on voit Saint-Augustin attraper un cœur enflammé. Puis moi, j'y avais vu une espèce comme s'il attrapait au vol une étoile filante. Donc, j'avais cette image-là de ciel étoilé, constellé là, de Sacré-Cœur. Puis j'aimais toute l'idée là, de pouvoir entrer comme dans la nuit, mais en même temps entrer comme dans le cœur, ou en fait se comme retourner à son cœur. Puis quand j'ai rencontré les Augustines pour leur parler du projet, elles me parlaient il y avait des veilleuses, donc qui veillaient aux patients pendant la nuit. Puis je trouvais tellement l'image belle, tu sais, de ces cœurs là qui veillent, puis ça va super bien avec l'idée. Puis en même temps qu'elles mentionnaient que chaque soir, quand elles se couchaient, elles se demandaient comment elles auraient la force puis l'énergie, tu sais, de continuer le lendemain, parce que c'était des journées exténuantes. Puis encore là, le cœur enflammé, pour moi, c'est cette passion-là, c'est d'aller chercher une espèce d'énergie, de force vitale, tu sais, en soi ou envers les autres qui sont là pour nous soutenir, puis pour poursuivre le lendemain. Donc, je trouvais que ça tout ça ensemble, en tout cas, faisait sens. Plus. Y a majuscule. Minuscule. En mineur. En majuscule mineur. En majuscule majeur. Y a en majuscule. Minuscule majeur. En y a mineur, mineur minuscule. Minuscule majeur. Minuscule majeur. Minuscule majeur. Stimulus. Minuscule majeur. Média minimum. Donc, on entendait une piste du bureau de l'APA. Puis, on retourne à cette entrevue que Gentiane nous a préparée à propos de l'exposition. La chambre intérieure. Oui, au musée des Augustines. Merci, Gentiane. Les Augustines qui ont été les premières là, à venir fonder un hôpital ici en Amérique du Nord. Et puis, donc, cette dévotion particulière autour du Sacré-Cœur, Geneviève Lebel, j'imagine que tu as fait quand même beaucoup de recherches autour des significations, de qu'est-ce que ça évoque aussi, ce Sacré-Cœur-là. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu sur les découvertes que tu as faites au courant de tes recherches, là? Oui. Bien, c'est sûr que les Sacré-Cœurs, bon, il y a comme toute une iconographie particulière. Il y en a certains qui sont associés davantage à la Vierge. Souvent, c'est ceux qui sont ornés comme d'une espèce de couronne de fleurs tout autour, donc ils sont entourés souvent de roses. On retrouve ceux qui sont associés davantage à Jésus. Ceux-là, souvent, sont ornés d'une blessure, donc qui saigne, donc sur le flanc, qui fait référence au stigmate. Et parfois, ils sont pourfendus d'une épée, parfois, il y a des lances. Il y a toujours quand même un côté, je dirais, comme une espèce de dualité entre beauté et blessure. Puis moi, c'est vraiment ça que je trouve intéressant là, à exploiter là, dans le terme du Sacré-Cœur. Bien sûr, bon, il y a la flamme qui revient souvent, et puis il y a les rayonnements. Donc, il y a vraiment comme matière là, à travailler. Puis, des fois, ils sont plus simples, sont plus schématisés, plus près là, d'un cœur peut-être qu'on voit à la Saint-Valentin. Et parfois, ils ont quelque chose de plus anatomique. Donc, je trouvais que ça permettait là, vraiment de jouer avec toutes sortes de matières, de matériaux. Puis, j'ai vraiment essayé de choisir des matières en lien avec ce que je retrouvais dans le monastère. Donc, dans les autres collections, je pense, par exemple... Donc, un fameux pot de confiture de fraises qui est donné aux Augustines lors d'une des étapes là, de leur cheminement pour devenir Augustine. Et puis, c'était très signifiant parce que, en fait, la confiture de fraises, c'est pour elle un symbole qui s'apparente au cœur. Donc, la fraise, donc une forme qui est similaire à celui du cœur, je trouvais ça super touchant. Donc, j'ai fait des sacrés-cœurs en détournant des fraises donc avec des petites épées et puis d'autres éléments comme ça. Donc c'est vraiment comme ça là, des associations de matériaux puis de significations qui m'ont permis là, de créer environ une soixantaine de cœurs là, pour l'ensemble de l'exposition. Puis on parle des matériaux qui ont été utilisés pour cette exposition-là, la chambre intérieure. Il y a une diversité puis une hétérogénéité des matériaux que tu utilises dans les différents assemblages pour faire soit des cœurs, soit d'autres objets. Là, on se concentre un peu plus sur les cœurs. On va revenir aux fleurs peut-être un peu plus tard. Mm-hmm. Donc, parmi ces matériaux-là, tu l'évoques, Geneviève Lebel, il y a des matériaux qui proviennent de la collection elles-mêmes des religieuses augustines, de leurs réserves. Mm-hmm. C'est un don extraordinaire de pouvoir avoir accès à ça. C'est une très, très grande générosité de leur part puisque c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. quelle liberté tu as eue pour aller jouer avec ces matériaux-là? Parce qu'il y en a qui sont altérés, il y en a qui sont seulement utilisés, puis bon, répartis là, de différentes manières. Quelle a été la liberté que tu as eue dans ce terrain de jeu-là extraordinaire qui était la collection des Augustines, Geneviève Lebel? Eh bien, en fait, dès le départ, les gens de la réserve étaient vraiment intégrés au tout début du processus. Donc, tout de suite, elles étaient mises au courant des idées principales du projet. Et puis, moi, j'ai dressé une liste des éléments que j'aimerais avoir. Et là, ils ont vraiment comme fait une immense recherche là, dans toute leur banque, à la fois de meubles, à la fois de Sacré-Cœur et d'objets variés. Et puis, ils m'ont pu me dresser ça. Ils ont pu me dresser une liste des éléments que je pouvais... Certains, donc, ils avaient en doublon, donc, ou qui étaient, comment dire, donc, ils pouvaient comme élaguer là, de la réserve. Et d'autres là, qui devaient être présentés de manière protégée. Donc, on pense notamment aux fleurs. Alors, c'était comme un défi de dire, bon, OK, qu'est-ce qui pourrait être... présenté d'une certaine façon qui ne serait pas mise en danger. Donc, là est venue l'idée, notamment des cloches en verre pour protéger les fleurs réalisées par les Augustines, dans la chambre de nuit pour présenter les cœurs de dévotion, donc sous plexiglas, donc sous forme un peu de doubleau ou d'ouverture dans le mur. Puis d'autres, c'est ça, objets, je pense notamment à des livres qui m'ont été donnés. Puis là, on m'a donné vraiment la permission. Mais là, je m'assurais toujours, là, je disais, est-ce que là, j'aurais le droit de brûler, de faire ci, ça? Puis eux, ils ont été vraiment généreux et parce que, tu sais, je pense que ça, ben, même si j'avais quand même des pistes, mais tu sais, ils m'ont comme vraiment laissé des objets, là, pour... ça, pour que je puisse les modifier. Donc, je pense notamment à une couverture d'hôpital, puis il y a des plumes de calligraphie aussi qui ont servi à faire un rayonnement sur un des cœurs. Bon, les livres ont été mentionnés. Des fois, c'était de la dentelle, des dentelles que les Augustines... on appelle ça la frivolité, là, des fines dentelles qu'elles ont créées. Donc, ça a été vraiment très, très riche, puis je me suis sentie vraiment privilégiée de pouvoir là, travailler avec ces matières-là, mais en même temps, tout en respectant là, les limites, ce qui était possible, ce qui était... On a vraiment su s'ajuster, les gens de la réserve et moi, là, selon ce qui était possible et moins. Puis, lorsque c'était plus complexe, ben, à ce moment-là, je trouvais des matériaux qui pouvaient s'apparenter à ce que j'avais vu, puis que là, je pouvais comme transformer sans souci là, d'altérer quelque. C-K-R-L 89-1. Vous souhaitez verdir votre ruelle, votre terrain ou votre balcon? Le conseil de quartier du Vieux-Limoilou a pensé à vous et lance son premier coup de pouce. Le 29 mai, 8 variétés de vivaces seront distribuées gratuitement aux résidents du quartier. Les plantes ont été choisies spécialement pour s'adapter aux petits espaces et aux conditions propres à notre quartier. Venez nous rencontrer dans le stationnement de la Caisse Desjardins de Limoilou de 10h à 14h. En cas de pluie, l'activité sera remise au lendemain. Cette activité est une initiative du Conseil de quartier avec la participation de Crac Bitume et de la Caisse Desjardins de Limoilou. Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée, maudit de bokeh? Change d'air quand tu me parles. Tu vas changer de job. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer. C'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. Sensibilisons, intervenons et appelons SOS Violence Conjugale. Un message du gouvernement du Québec. Envie de voyager et besoin de nouveautés musicales? Te invito a descubrir a los artistas latinos y francófonos de todo Canadá en el único programa conducido en español y en francés. Cité Latina. Cité Latina présente le mélange des deux mondes dans une seule émission. Branche-toi à chaque semaine avec des entrevues inédites, nouveautés artistiques et le meilleur de la culture franco-latine au micro de Ingrid Cabezas. Cité Latina es como tener el verano siempre en tu radio. N'attends plus. Retrouve Cité Latina sur tous les réseaux sociaux. C'est K R L 89 1. Unis par les ondes. There's a new voice calling, and you can hear it if you try, and it's growing stronger with every day. Nous sommes de retour à l'aérospatial, votre magazine radio consacré entièrement à l'univers des arts visuels à Québec. Et aujourd'hui, on fait une alternance entre le projet La Majorité, en majuscule, du bureau de l'APA et une entrevue que j'ai réalisée avec l'artiste Geneviève Lebel, qui présente l'exposition La Chambre intérieure au musée du monastère des Augustines de Québec. Donc une exposition qui se déploie en fait en deux chambres. Il y a une chambre qui est claire, qui évoque le jour, que l'artiste a meublé de différentes fleurs façonnées de différentes manières, et une deuxième partie qui est une chambre de nuit. Où l'artiste déployait un ensemble de Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur faisait partie de l'appel de dossier pour cette exposition-là. C'est une dévotion particulière des Augustines, je crois, mais ça fait aussi, ça symbolise aussi toute la bienveillance, la compassion des Augustines, qui ont une mission de hospitalière, donc de prendre soin des malades. Et c'est une très, très belle collaboration que l'artiste Geneviève Lebel a faite avec les Augustines. Et donc, elle a puisé à même leur patrimoine, à même les objets de leur collection pour réaliser ces œuvres, pour réaliser ces assemblages qui sont très, très délicats, qui demandent vraiment une attention, qui nous plonge dans une espèce de dévotion, justement. On est vraiment dans le contemplatif, puis on est vraiment dans un hommage aux Augustines. C'est presque un projet in situ, en fait. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment un travail de collaboration qui s'est fait avec l'équipe des réserves muséales. Et puis, à partir des réserves muséales, puis l'artiste a fabriqué ses œuvres à partir des objets qu'elle trouvait dans les réserves. Donc, il y a vraiment... Il y a quelque chose de fort, là, de cohérent dans cette exposition-là, avec la mission des Augustines de Québec. Donc, on va entendre la dernière partie de l'entrevue que j'ai réalisée avec Geneviève Lebel à propos de ce beau projet, La Chambre intérieure, qui est présentée au monastère des Augustines de Québec depuis le 22 mai. C'est un travail de collaboration, tu l'expliques, Geneviève Lebel, un travail de collaboration avec les gens du musée de la collection de la réserve, un travail de collaboration également avec la commissaire Catherine Neve-Gadoury. Et puis, moi, ce qui m'intrigue un peu plus, puis j'imagine que le public est à la maison aussi, c'est de savoir de quelle nature a été la collaboration directement avec les Augustines elles-mêmes. C'est une population qui est quand même très réduite de nos jours, qui est très, qui est très vieillissante, mais qui possède une expérience et un savoir-faire qui est unique, puis qui va se perdre bientôt, là. Oui, tout à fait. Bien, on était, en fait, j'ai été très chanceuse parce que malgré les conditions actuelles, la pandémie, donc on a quand même pu les rencontrer très tôt dans le projet. Et bon, bien sûr, elles étaient au courant des différentes étapes, mais j'ai pu leur présenter les maquettes donc que j'avais réalisées, que j'avais présentées au jury et pour lesquelles j'avais été sélectionnée. Et en présentant les maquettes, en expliquant déjà ma vision du projet, j'ai recueilli en fait leurs souhaits, leurs suggestions. Et notamment, bon, il y avait celle de pouvoir inclure un crucifix dans l'exposition parce que c'est pour elle, c'est vraiment une présence qui est importante dans la chambre et qui se retrouve dans toutes les chambres des Augustines. Donc, moi, d'emblée, c'était pas nécessairement quelque chose que j'avais prévu, mais là, je dis, OK, donc, je vais respecter ce souhait-là. Et on en a trouvé un, puis d'ailleurs, qui est présenté avec, en fait, un rayonnement de clés de cloître tout autour, donc, qui réfère aussi encore aux chambres des Augustines. Et puis, une autre sœur parlait de l'importance de la musique. Donc, j'ai porté un soin particulier à intégrer des partitions manuscrites dans des fleurs en papier que j'ai confectionnées ou encore dans les livres là, qui ont été présentés dans la portion de chambre de jour, donc avec des feuilles d'olivier qu'on retrouve aussi sur l'emblème des armoiries et qui sont faits à partir de partitions musicales puis qui s'élèvent vers le ciel. Il y a aussi à d'autres moments une espèce de livre qui dont déborde, on dirait, des espèces de volutes donc qui, pour moi, peuvent représenter l'expression musique, parce que c'est vraiment une façon de s'exprimer. Donc, elles ont vraiment été généreuses là, dans leur partage, puis dans leur explication aussi de ce que ça représentait pour elles, leur chambre, parce que c'est à peu près le seul endroit intime, hein, donc qu'elles pouvaient légèrement en retrait, parce qu'elle vivait toujours en communauté. Et puis, non, c'était vraiment particulier d'avoir accès à cette intimité-là avec elle, donc, puis de savoir justement que aussi cet espace-là, elle pouvait le personnaliser parfois avec des images, avec des dévotions particulières à certaines d'entre elles. Puis il y avait même une des Augustines qui mentionnait, elle dit, ah, s'il pouvait avoir quelque chose même en lien avec les sens, l'odeur, le son, donc il y a une légère trame musicale qui est introduite, qui fait comme si on entendait au loin les chants des Augustines. Donc, des fois, on se demande s'ils viennent d'ailleurs, mais non, c'est me vraiment... Suis posé la question. Oui, c'est ça, c'est quand même subtil. Puis aussi, ben, j'ai intégré, dans les tiroirs, c'est quand même subtil, mais si on s'approche, là, il y a comme un petit peu d'huile essentielle, là, donc, qui est le parfum du monastère, là, qui s'appelle 1639, qui est intégré. Donc, ça se fait que des fois, il y a un petit côté olfactif, là, à l'exposition. Fait que ça, c'était toutes des suggestions, là, des sœurs qui... Donc, qui ont participé. Oui, c'est ça, qui ont participé au projet. Oui. C'était très touchant là, de les voir d'ailleurs en primaire. Elles ont pu visiter l'exposition, là, puis elles étaient très enthousiastes. Puis elles souhaitaient même pouvoir en faire profiter peut-être d'autres communautés là, au mois d'août, lors d'un autre événement. Là. Donc, c'est une immense ouverture et générosité. Là. C'était très, très, très, très touchant. Oui, j'imagine que ça devait être touchant de justement collaborer avec les Augustines dans une exposition qui leur rend hommage, en quelque sorte. Tout à fait. On parle d'hommage, de dialogue, mais tu as aussi, d'une certaine manière, travaillé en continuité avec le travail qu'elles faisaient par le travail des fleurs. Oui. J'ai l'impression que tu t'es un peu approprié un ouvrage, un savoir-faire que les Augustines développaient au sein de leur tradition, au sein de leur monastère, et que tu l'as mis en œuvre d'une autre manière. Je me trompe? Non, en fait, moi, c'est un des éléments qui m'avait vraiment frappé lors de ma visite, de voir ces fleurs-là. Donc, des fleurs fragiles en papier, en tissu qui sont là, mais qui ont été faites il y a de ça plusieurs centaines d'années. Puis, je trouvais que c'était tellement un beau symbole de force, comme de résilience à travers ces fleurs-là, parce que, et de don de soi, parce que, bon, les fleurs étaient confectionnées à l'origine pour pallier au fait que l'hiver, il n'y avait pas de fleurs hein, au Québec, on s'entend. Et, c'était une façon pour elle donc de pouvoir fleurir le chevet des malades, de pouvoir fleurir donc les divers événements lors de décès, etc. Et sont devenus des expertes à faire ces fleurs-là et ça a devenu une façon de même avoir un financement pour la communauté. Puis je me disais, ah, c'est sûr, là, je veux pouvoir en présenter comme ça sous cloche de verre. Puis je trouvais ça symbolique justement de pouvoir refaire ce geste-là. Donc j'en ai fait avec du papier. En fait, essentiellement, ce sont des textes donc pris aux archives. Alors, on retrouve, par exemple, des correspondances dans certaines fleurs de papier. Parfois, c'est des recettes d'apothicaire, parfois des partitions musicales écrites à la main. Puis, j'ai aussi fait des fleurs en dentelle parce que pour moi, la dentelle, ben, un petit peu l'idée de faire une dentelle de tout travail parce qu'il y a tellement un soin apporté à ces fleurs-là que, j'imaginais là, tu sais, d'avoir leur journée là, puis après ça de continuer à être si soignée là dans la réalisation des fleurs. Je trouvais vraiment qu'en tout cas c'était un super beau geste. Puis le fait de faire ça en pleine pandémie à la maison, je cacherais pas que des fois j'avais l'impression quasiment là, d'être dans le même, comme ça, de recréer un geste qui a été fait il y a de ça fort longtemps, mais dans l'espèce de même calme, puis même des fois un peu retrait du monde là. Je trouvais que c'était quand même particulier de pouvoir refaire ces gestes-là qui ont été longuement répétés. L'état de contemplation, de prière, oui. De prière dans le geste. Mais je te remercie beaucoup, Geneviève Lebel, pour ce bel entretien à propos de l'exposition La Chambre intérieure. Et puis, c'est présenté au musée du Monastère des Augustines jusqu'au 9 janvier 2022. Donc, on a encore le temps de se déplacer pour aller voir cette expo. Et c'est nous, on va prendre une pause musicale. Merci beaucoup. Donc, on écoutait cette dernière partie de l'entrevue que Gentiane nous a préparée. Merci beaucoup, Gentiane Lafrance, justement, pour cette entrevue qu'on l'entendait très bien, que ça te passionnait, ce sujet. Et Geneviève a été extrêmement généreuse aussi lors de cette entrevue. Les communautés religieuses féminines au Québec ont été d'un grand apport à la société, mais aussi à la culture et aux arts. Du patrimoine québécois là, donc c'est vraiment un héritage qui est intéressant, puis de voir qu'elle s'ouvre comme ça à l'art actuel, l'art contemporain, c'est toujours beau à voir là. Oui, c'est ça, c'est le fun de voir justement des mélanges et des collaborations de générations, de différents horizons aussi, de différentes disciplines. On aime beaucoup la multidisciplinarité à l'aérospatiale. C'est enrichissant. C'est très enrichissant. Donc, tu mentionnais en fin d'entrevue qu'on se laissait pour une pause musicale, et c'est bien le cas, mais j'avais envie de vous parler un petit peu de ce qu'on écoute ce soir. Donc, je vous ai déjà mentionné en début d'émission qu'on écoutait La Majorité. Je ne veux pas vous le crier dans les oreilles, mais c'est bel et bien en majuscule. Et c'est cette co-création du Bureau de l'APA et d'Avatar, le centre d'artistes. Donc, La Majorité, c'est un projet de création sonore du Bureau de l'APA, comme je disais, réalisé dans le cadre d'une résidence d'artistes à Avatar au courant de l'hiver 2020. Donc, en mars dernier, la pièce-titre est dévoilée, tandis que la cassette audio, oui, vous avez bien entendu, la cassette audio du projet est offerte en pré-vente sur le Bandcamp d'Avatar. D'ailleurs, je vous invite à aller suivre le Bandcamp d'Avatar parce qu'ils ont toujours plein de belles choses à faire découvrir, des belles collaborations comme ça, des résidences. Donc, les pièces de La Majorité sont dès lors dévoilées progressivement au rythme d'une toutes les deux semaines jusqu'au lancement officiel qui, comme je le mentionnais en début d'émission, se déroulait jeudi le 20 mai dernier dans ce super pick-up avec une glacière avec la bière et des sacs de chips. Tout était très bien désinfecté, ne vous inquiétez pas. Donc, c'était une livraison spéciale qu'on pouvait réserver justement avec le pick-up, justement. Mais vous pouvez aussi après cette journée-là ben, qui est passée, bien sûr, parce que c'était jeudi dernier. Donc, vous pouvez vous procurer la cassette audio au Knockout sur la rue Saint-Joseph dans le quartier Saint-Roch. Et vous pouvez aussi aller, comme je disais, voir le Bandcamp d'Avatar. Donc, ce super projet qui mélange des mots, des voix, des bruits pour, comme ça le dit si bien sur le site web, compter des peurs à la poésie. Ça a été fait aussi en collaboration avec Simon Elmalet et Jasmin Cloutier. Puis un peu sur le bureau de la poste, si vous ne les connaissez pas déjà, c'est vraiment un collectif à suivre. C'est un atelier de bricolage indiscipliné, d'art vivant, qui permet la rencontre de créateurs de tous horizons autour de projets artistiques atypiques, comme celui-ci d'ailleurs. Vous pouvez aller voir leur site web au www.bureaudelapa, donc c'est lapa.com. Et nous, on se laisse tout de suite sur la piste numéro 5 de la cassette La Majorité qui s'intitule « Je suis plus ». Je suis plus. Je suis plus. Je suis plus. Je suis plus 20e que 18e. Je suis plus réforme que révolution. Je suis plus féminin que masculin. Je suis plus crime que châtiment. Je suis plus médiation que tribunal. Je suis plus privé que public. Je suis plus. Je suis plus. Je suis plus Satie que Mozart. Plus raison que sentiment. Je suis plus majuscule que minuscule. Plus Bouddha que Shiva. Plus Tamari que Soya. Je suis plus debout qu'à genoux. Plus des raisins que de la colère. Plus populaire que institution. Je suis plus partition qu'improvisation. Plus trompette que saxophone. Je suis plus Michelangelo que Picasso. Je suis plus foncé que pâle. Je suis plus argentique que numérique. Plus Occident que Chine. Je suis plus Deutsch que Espagnol. Je suis plus vodka que jus d'orange. Je suis plus bordel que rigueur. Plus hamac que dictateur. Je suis plus U2 que Beethoven. Plus crack que héros. Je suis plus accord que contradiction. Je suis plus de l'avant que de reculons. Je suis plus coordination que direction. Plus carburateur que bibliothèque. Je suis plus. Je suis plus. Je suis plus Robert que Larousse. Je suis plus division que multiplication. Je suis plus. Je suis plus. Je suis plus. plus vêpres que matines, plus trombones que brocheuses, plus maman que putain. Vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale, Myriam Leland au micro, accompagnée de Gentiane La France. Et juste avant que je me remette à parler, on écoutait la piste Je suis plus de la cassette, la majorité du bureau de la passe collectif de Québec. C'est pas la cassette qu'on faisait jouer en studio, même si on est occupé, on est équipé pour en faire jouer quand même. Oui, on aurait pu, en effet, mais non, c'était les pistes numériques. On a bien aimé cette piste-là. On s'est amusé à se dire si on était d'accord ou pas avec les affirmations de la piste. On est définitivement plus hamac que dictateur, ça, et moins YouTube. plus Beethoven. Donc, on arrive déjà à l'agenda de la semaine, mais avant, on veut vous parler de cette campagne pré-Radioton. Première radio communautaire de la francophonie et 6 fois radio communautaire de l'année aux rencontres de la disque. CKRL 89.1 continue d'offrir depuis 48 ans une voix locale unique, rayonnant dans le Grand Québec, tout en poursuivant sa mission de participer au développement de la culture québécoise par une conception originale et dynamique de la radio FM. Donc, aider CKRL à demeurer un leader dans la découverte et la promotion de la relève musicale et de tous les arts, dont les arts visuels, qui est notre sujet à l'aérospatiale. Aider aussi CKRL à poursuivre la diffusion de l'information locale et communautaire, ainsi qu'à offrir un espace de diffusion indépendant à la centaine d'artisans passionnés bénévoles, dont Gentiane et moi. Et nos chroniqueuses et nos chroniqueurs. Oui, qu'on salue et qu'on remercie comme toujours. Donc, en route vers notre événement radiophonique unique et annuel, Radioton 2021, qui se tiendra les 28, 29 et 30 mai prochains, nous sollicitons votre appui par un don pré-Radioton ou encore en renouvelant votre carte de membre. Vous pouvez poser votre geste de soutien avant les tirages du vendredi 28 mai à 17h et voici ce qu'il y a à gagner. Donc, si vous faites un don pré-radioton, c'est-à-dire de 20$ et plus, les 28, 29 et 30 mai prochains, les ondes du 89.1 CKRL seront animées d'une manière toute spéciale en offrant une programmation haute en couleurs et en son, animée par une panoplie d'invités, dont bon, moi, toi. Myriam Leland. Le 30 mai à 13h30, il y aura une table ronde sur notre été culturel, qu'est-ce qui s'en vient dans le paysage culturel de Québec et peut-être ailleurs. Donc, tout ce qui est disponible aux résidents de la ville de Québec. Le contenu du Radioton 2021 sera dévoilé lors de l'émission spéciale du jeudi 20 mai qui se déroulait à 16h. Donc, courez la chance de gagner le prix spécial en faisant un don pré-Radioton qui est offert par le Lopin de Terre qui consiste en un panier de légumes frais à chaque semaine pendant 16 semaines de juin à octobre d'une valeur de 400$. C'est un très beau prix. Puis, si vous réabonnez, donc si vous prenez une carte de membre au coût de 25$, vous soutenez la plus ancienne radio communautaire francophone, mais aussi la relève artistique de tous les arts. Et notez que votre carte est valide pour un an à la date d'adhésion. Si vous prenez votre carte de membre au coût de 25$, comme j'ai dit, vous courez la chance de gagner le prix spécial membre de CKRL, qui consiste en un certificat de 150$ de la boutique Le Pédalier. Donc voilà, c'est important de soutenir la radio de CKRL, ne serait-ce que pour qu'on puisse continuer à vous offrir une émission hebdomadaire consacrée entièrement aux arts visuels de la ville de Québec. On est chanceuse. On est très chanceuse. Et vous êtes chanceuse à la maison. On se sent un petit peu coquille cette semaine. Donc, on enchaîne suite à ces plaisanteries avec notre traditionnel agenda de la semaine. Qu'est-ce qu'on peut voir cette semaine, Gentiane, la France? Bien, on le sait, l'émission était presque entièrement consacrée à une entrevue avec Geneviève Lebel, donc son exposition « La chambre intérieure » qui est présentée depuis le 22 mai au musée du monastère des Augustines, et c'est un commissariat de Catherine-Ève Gadoury. Sinon, il y avait mardi cette semaine là, que débutait l'exposition « Fresque grotesque » d'Alison Moore au Grand Théâtre de Québec, donc au studio TELUS, commissarié par Ariane Plante. Si vous avez manqué le vernissage, vous pouvez le revoir sur YouTube. Donc, allez, rendez-vous sur le YouTube du Grand Théâtre de Québec pour pouvoir assister à cette discussion entre la commissaire et l'artiste à propos de cette œuvre « Fresque grotesque », qui est une murale vidéo-générative inspiré par l'opéra, la mythologie et la peinture grotesque, un style d'art décoratif intégré à de l'architecture de l'époque de la Renaissance italienne. Donc, c'est foisonnant. C'est une œuvre donc générative, comme on disait. Donc, il y a différentes techniques numériques, cinématographiques, des procédés d'animation traditionnels, des arts vivants que l'artiste Alison Moore a employé là, dans cette œuvre qui a été effectuée dans un tournage sur écran vert avec beaucoup d'éléments qui viennent l'accompagner. Il y a également une conférence de Maxime Coulombe qui va avoir lieu le 27 mai à 16h. C'est présenté par Beaux Arts, donc l'International de sculpture. Le titre de la conférence, c'est « Lorsque l'image nous touche ». Art et nouveauté. Donc, le sujet, c'est radiance. J'ai eu la chance d'avoir Maxime Coulombe comme professeur à l'Université Laval et toutes les personnes que j'ai pu rencontrer qui l'ont eu aussi comme professeur seraient d'accord avec ce que je vous dis. C'est vraiment un excellent communicateur qui est très féru en tout plein de domaines. Il est très multidisciplinaire, justement, Maxime Coulombe. Donc, ça vaut la peine d'assister à ses conférences. On a également, ben, c'est la dernière semaine pour voir Mon potager de Dan Brault, dont on parlait la semaine dernière à l'émission avec Myriam Dufour. C'est présenté jusqu'au 30 mai à la Galerie 3. Et puis, il y a l'exposition Plénitude, nature et spontanéité, Riopel, qui est aussi présentée jusqu'au 30 mai à la Galerie Alexandre Motulski Falardo. Donc, c'est ainsi que se termine cette édition de l'Aérospatiale. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com. C'est aussi le meilleur moyen de savoir ce qui se passe dans l'actualité des arts visuels à Québec, puisqu'on y garde un agenda le plus à jour possible. Mais vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook où on pine, en bon français, les événements qui, justement en arts visuels dont on vous parle dans notre agenda de la semaine. Donc, vous pouvez les voir regroupés à notre page Facebook et sur Instagram aussi, parce que, bon, on partage des choses des fois, une fois de temps en temps. Et puis, on aimerait remercier notre invitée de la semaine, Geneviève Lebel, et un salut spécial à notre bordua de la mise en onde de Jacques Gignac, qui est confiné à la maison et qu'on a bien hâte de retrouver en studio un jour. Merci à toi, Myriam Leland, pour cette co-animation toujours fabuleuse. Merci à toi, gentille Anna France. Donc, on se laisse pour les pauses publicitaires et on se dit à la semaine prochaine. Cette émission est disponible en balado-diffusion. Alimentex, la première épicerie naturelle à Québec depuis 1969. Vous y trouverez des aliments biologiques, des produits de santé naturels sous forme de tisanes, crèmes et extraits de toutes sortes. Alimentex, c'est aussi tout ce dont vous avez besoin pour vos recettes. Des spécialistes sont sur place pour vous conseiller. Avant d'aller ailleurs, passez chez Alimentex, c'est la référence à Québec. Pour des conseils de santé, prenez rendez-vous avec notre naturopathe. De plus, Alimentex offre 10 % de rabais le premier mercredi du mois sur tous les produits à prix régulier en magasin. Alimentex, ça vaut le déplacement. Coin 1ère avenue et 12e rue à Limoilou ou alimentex.ca. Du 28 au 30 mai, c'est le Radiothon 2021 de CKRL. Objectif, soutenir CKRL et la relance culturelle, prise 2. CKRL est fière de vous dévoiler nos porte-paroles à faire. Tania Goyette et Louis Bouchard-Trudeau, du Bouchon Lyonnais, le pied bleu. Nous sommes fiers et heureux d'être porte-parole du Radiothon de CKRL. soyez généreux envers votre station communautaire et culturelle, indispensable au paysage médiatique de Québec. L'objectif est de soutenir CKRL et la relance culturelle prise 2. Nous comptons sur votre générosité. Du 28 au 30 mai, faites un don ou misez sur les lots d'encans interactifs sur ckrl.qc.ca. C'est la voix du cœur. Le Radioton vous sera présenté par les partenaires majeurs suivants. La Boîte à pain, la brasserie artisanale La Corrigane, le Bal du Lézard, Audiolite et l'Hôtel Château-Laurier. C-K-R-L 89-1. There's a new world coming, and it's just around the bend. There's a new world coming, this one's coming to an end. Unis par les ondes. There's a new voice calling, and you can hear it if you try. And it's growing stronger with every day that passes by. Pour le meilleur du métal à Québec, vendredi soir, 22h, c'est démentiellement vôtre à CKRL 89.1. CKRL.qc.ca.